Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui un humoriste bordelais, Clément Dubéarn. Donc il voulait nous raconter une petite anecdote qui lui est arrivée durant son spectacle. Bon, je vous raconte. Alors c'était lors des premières représentations de mon spectacle Clément part en saison. Je rodais mon spectacle au Théâtre de la Roussel à Bordeaux. Petite salle, petit laboratoire d'une quarantaine de places. Et durant une soirée, durant un spectacle, une spectatrice se met au premier rang. Et le pire, c'est qu'on m'avait prévenu qu'elle viendrait, parce que les habitués sont connus dans cet endroit. Et cette personne s'est gentiment mise à commenter toutes mes vannes pendant le spectacle. Mais tu sais, des fois, tu peux être discret, genre... Tu peux parler comme ça, ça s'entend pas trop. Mais le problème, c'est que déjà, le Théâtre de la Roussel, c'est très petit. Ça s'entend. Mais en plus, elle parlait vraiment pas discrètement, quoi. C'était genre, oh, ça, c'était pas drôle, ça. Oh là là. Oh, ça, c'est pas mal, ça. Oh non, ça, c'était pas mal. Enfin, bref. Et arrive un moment où j'entame une partie de mon spectacle. Cette personne me regarde droit dans les yeux et me lance, enfin, même à toute la salle, elle lance très, très fort. On s'en fout, hein. Donc là, je m'arrête. Je me suis arrêté. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'étais obligé de m'arrêter à un moment. Je pouvais pas. Donc je lui dis, un problème, madame, ça vous plaît pas? Elle me dit, non, c'est juste qu'on s'en fout, hein. Et puis je sais plus ce que je lui ai répondu. En plus, j'avais des cartouches, tu vois, pour lui en balancer un petit peu. J'avais très envie de lui dire, si ça vous plaît pas, vous avez qu'à sortir. Mais là, je me suis dit, si je fais ça, je suis mort. Ouais. Je vais me mettre toute la salle à dos. Cadeau, voilà, exactement. Donc, je lui dis une connerie toute gentille. Et là, elle me regarde, elle continue, elle insiste. Elle me dit, de toute façon, me faites pas peur. Hein. Vous avez pas la répartie. Et c'est pas grave, je me suis concentré sur le spectacle. J'ai tracé dans mon texte, tu vois, je me suis pas arrêté. Et en fait, elle avait tellement dérangé le spectacle et donc la salle que du coup, tout le public était de mon côté. Et à cette époque, je jouais avec une sortie au chapeau. Et les gens me laissaient ce qu'ils voulaient, voilà. Et généralement, je faisais 100, 150, allez, maximum 200 euros les bons soirs. Et ben, ce soir-là, j'ai fait 400 balles. Parce que tout le monde s'était mis de mon côté et tout le monde avait laissé des sous dans le chapeau. Avoue que c'est toi qui l'as amené là. Ben, je me suis posé la question. T'avais des fins de mois difficiles. J'avais envie de lui demander de revenir chaque semaine, mais oui, bon. Oui, ça peut être pas mal. Mais elle était fortement désagréable quand même. Hein. Enfin bref. En tout cas, sachez que si vous allez jouer à la Roussel, il y a de fortes chances que vous ayez affaire à cette personne un soir ou un autre. Voilà. Ah, okay. Voilà. Bon, bah écoute, merci beaucoup en tout cas. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Exactement, la page Facebook Clément Dubéarn. Voilà. Après, je suis pas encore sur Insta, mais je songe à m'y mettre. Twitter peut-être. Twitter ou... non plus, non. Twitter, quand je vois tout ce qui se passe sur Twitter, j'ai de moins en moins envie d'y aller. D'accord, donc Facebook Clément Dubéarn. Et puis voilà, puis prochainement pour spectacle, sinon, oui. Tous les jeudis soirs, à partir de la rentrée de septembre, au Gavet Style à Bordeaux. Oui, notre scène ouverte, voilà, qui se passe au théâtre, Café Théâtre Drôle de Scène, 39 rue Paul Verlaine à Bordeaux. Voilà, donc on te retrouve très bientôt. Pour ma part, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Sofiane Humoriste. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Voilà, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur iTunes. À très bientôt, bis à tous, même à toi là-bas.